PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Je suis Mélissa Suarez El Real et je vous remercie de nous accompagner aujourd'hui comme tous les samedis. Cette semaine et la prochaine aussi, je voudrais partager avec vous un projet qu'on vient de finir. Ce projet avait comme objectif créer l'ambiance sonore pour la chaîne de magasins de meubles IDEA. En fait, les dernières années, la musique ambiance que sonnait dans ce magasin ne correspondait pas du tout avec l'image qu'on voulait montrer. Et en fait, cette musique mettait aux visiteurs à penser à des environnements vides, blanches et minimalistes. Et bien sûr, un magasin comme IDEA, rempli de meubles de couleurs et de formes spécialement variées, a besoin de vendre tous les meubles, sans exception, n'importe quelle couleur ou quelle forme. Alors, une façon que le département de marketing du magasin a conçue, c'était de changer la musique et mettre des petits clins d'œil à des différents groupes culturels qui visitent le magasin, pour que de cette façon, ils puissent se souvenir de la maison familiale et que alors, ils achètent des meubles plus variés. Parfois, il s'agit des gens d'origine indienne, parfois italien. Mais s'ils entendent au bon moment une chanson qui leur rappelle leur maison familiale, là, bon, quelque chose va changer. C'était comme ça que ce beau projet est né et aujourd'hui, vous pouvez l'entendre dans tous les magasins de Lille. Comme l'équipe de Radio Pokajou est très contente d'avoir participé dans ce commissariat, on va vous proposer quelques morceaux choisis qui sont partis de la musique ambiance de la chaîne de magasins. On va commencer avec quelque chose vraiment très très spécial. Vous allez découvrir la raison pour laquelle on a choisi ce morceau. Sonate au clair de lune, originale de Beethoven bien sûr, mais jouée avec des steel drums. Thank you. vient d'écouter la sonate au clair de lune de Beethoven dans une version avec des steel drums. C'est la musique originaire de Barbados et c'est une version assez particulière. On a choisi de commencer avec parce que cette chanson, c'est un petit hommage à la famille de Monsieur Thomas Kato, le président actuel de la chaîne de magasins IDEA. Ses parents étaient en fait originaires de Barbados et à son arrivée à Pocahou dans les débuts des années 50, ils n'avaient pas de travail, c'était un moment assez dur pour eux. Alors c'était sa mère qui a eu l'idée de tisser et vendre les hamacs comme celles qu'ils utilisaient à Barbados. À cette époque-là, les hamacs qu'on utilisait à Pocahou, c'était plutôt pour la détente, mais jamais comme des lits. Les hamacs de Madame Kato étaient tellement confortables, occupaient si peu d'espace que la famille a réussi dans son entreprise et a grandi grâce aux ressources que cette activité leur donnait. Du coup, toute la famille s'est mise à observer les habitudes des différents quartiers de Jucapo, la capitale, pour savoir quels étaient les besoins et quelles caractéristiques devraient-ils ajouter à ces créations. C'était comme ça qu'ils sont créés le tatami paella, par exemple, pour les couples hispano-japonaises, ou les foranem insérés dans les saunas pour les couples finlandais et vietnamiens. Leur travail artisanal, les pièces uniques et la création soigneuse des objets pliants, escamotables, ont fini par faire le magasin de Madame et Monsieur Kato, un réseau de magasins et ateliers appelé Industrie de Escamotables Atlantique, maintenant connu par ses sigles IDEA. Aujourd'hui, bien sûr, très répandu dans toute l'île et peut-être bientôt dans tout le monde. Maintenant, on va écouter la version de Kojani Orchestra de La Llorona. D'écouter La Llorona, une chanson typique mexicaine, mais jouée à la façon balkanique grâce à Kojani Orchestra. Avant de continuer avec notre programme où on parle de la sélection musicale qu'on a fait pour la chaîne des magasins IDEA, on voudrait vous expliquer le fonctionnement assez particulier de cette chaîne de magasins. D'abord, quand on arrive, on prend un petit chariot et pour voir l'exposition des articles en vente, vous allez parcourir des différentes maisons. En fait, c'est des gens qui vraiment habitent dans ces maisons et ce sont bon, normalement des familles dans une situation défavorisée qui, en échange de perdre un peu de privacité, décident de vivre dans des très très belles maisons, recevoir un salaire assez intéressant pour leur travail et bien sûr d'avoir un rapport avec les visiteurs et de raconter au patron et les besoins de ces gens qui viennent chercher des meubles. D'ailleurs, ces familles peuvent aussi gagner un peu plus d'argent avec les nombreux visiteurs. Puisque c'est une ambiance aussi multiculturelle, les gens vont parfois au magasin juste pour déjeuner parce que, bon, comme c'est normalement des familles qui viennent partout dans le monde, normalement les menus du jour sont assez particuliers. En fait, vous pouvez trouver des thés orientaux avec des fruits américains, des fromages français avec des pains suédois, ou bien sûr les célèbres tacos mexicains avec la paprika balkanique. En fait, c'était pour ça qu'on a décidé de jouer ce morceau de Cojani Orchestral qui interprète La Llorona. Quand le visiteur ou la personne qui est en train d'acheter des meubles et a fini de faire le parcours pour la série de maisons qui conforment le magasin, il se dirige vers le comptoir principal où il va obtenir soit une pièce identique, soit une autre pièce faite sur mesure. Voilà une idée très générale du magasin. Vous comprendrez que, bon, comme ça, il fallait bien sûr une musique variée, colorée et avec du caractère. Dans la prochaine émission de la Radio Pocajou Internationale, on va continuer à vous montrer les morceaux qu'on a choisis pour l'ambiance sonore du magasin. Mais pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais comme on est très content d'avoir fini ce projet avec un succès aussi important, on va vous laisser avec une chanson de joie. Voici une version très spéciale de Havana Aguila, chantée pour l'espagnol Encarnita Pola. Merci et à bientôt. Havana Aguila, Havana Aguila, Havana Aguila, Beizmeja. Havana Aguila, Havana Aguila, Havana Aguila, Beizmeja. Havanera Nina, Havanera Nina. Habanera nina beizmeja, habanera nina, habanera nina, habanera nina beizmeja. Uru, uru, ajin, uru ajin, bere zameia. Uru ajin, bere zameia. Uru ajin, uru ajin. Samella. Hey, hey, hey, hey. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, ve, isme, isme, ha. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, ve, isme, ha. Habanera nina, habanera nina, beizmeja. Habanera nina, habanera nina, habanera nina, beizmeja. Uru, uru, ajin, uru ajin, beleza meia. Uru ajin, beleza meia. Uru ajin, uru ajin. Bésame ya. Radio Pocajou International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine.